me semblait que Michel au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Pourquoi le cerveau coûte-t-il cher en énergie? Et quel est l'âge du sevrage chez les hominines et les grands primates? Quelle est la relation entre fécondité, longévité et taille? Pourquoi y a-t-il chez la femme une période de longue survie après la période de fécondité, demande le paléanthropologue Jean-Jacques Hublin. Chercheur au CNRS, auteur de nombreux travaux sur l'évolution des Néandertaliens et sur les origines africaines des hommes modernes, il a créé et dirige depuis 2004 le département d'évolution humaine à l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutionnaire de Leipzig en Allemagne. En 2011, il a été choisi pour être le premier président de la Société européenne pour l'étude de l'évolution humaine, nouvellement fondée. Depuis 2014, il est professeur invité au Collège de France sur la chaire internationale de paléanthropologie. Le magazine Science et Avenir rappelait en juin dernier que ce spécialiste de l'évolution humaine mobilise high-tech, chimie et physique au service de sa discipline. Pour la deuxième fois en 20 ans, il vient de faire la couverture du magazine Nature, et ce n'est pas donné à tout le monde. Jean-Jacques Hublin a dirigé une équipe internationale avec Abdelawad Ben Anser de l'Institut National d'Archéologie et du Patrimoine qui a découvert au Maroc le plus vieux des Homo sapiens âgé de 300 000 ans. Ainsi, avec l'homme de Djebel Erhoud, il apparaît qu'Homo sapiens est plus vieux de 100 000 ans que prévu. Jean-Jacques Hublin, chercheur passionné qui s'appuie sur toutes les ressources de l'approche interdisciplinaire, interroge les stratégies des espèces animales pour extraire de l'énergie et l'allouer à différentes grandes fonctions, grandir, se reproduire, se réparer, et à différents organes, le cerveau, le tube digestif et même les muscles, dans le cadre de sa nouvelle série de cours intitulée « Traits de vie et contraintes énergétiques au cours de l'évolution humaine ». Après une grande introduction générale diffusée précédemment, il interroge la théorisation des stratégies d'allocation d'énergie chez les primates, comparant notamment les hommes et les chimpanzés. Résumant lui-même les questions de sa leçon inaugurale donnée le 8 octobre 2014 au Collège de France, Jean-Jacques Hublin rappelait déjà, et je le cite, que la proche parenté de l'homme avec les grands singes africains est aujourd'hui solidement établie, même si notre espèce se distingue de ses proches parents par une accumulation de traits adaptatifs très originaux qui ont permis son expansion inégalée au sein des vertébrés. Ces adaptations intéressent notamment la locomotion, l'alimentation et la reproduction. Les hommes ont développé un cerveau caractérisé non seulement par sa grande taille, mais aussi par sa très longue maturation. L'encéphalisation toujours plus poussée des hominines a permis une complexification technique et sociale sans cesse croissante qui elle-même, en retour, a directement influencé notre évolution biologique. Ce sont ces thèmes qu'il revisite à l'aune des dernières découvertes. Et nous gagnons le Collège de France le 10 octobre 2017 pour le cours de Jean-Jacques Hublin, Histoire de vie et reproduction. Les primates au sein des mammifères se caractérisaient par une longévité encore plus importante que la moyenne des mammifères Et au sein des primates, plus on va avoir affaire à des primates de grande taille, comme le gorille, le chimpanzé, l'orang-outan et l'homme, et plus on va avoir des longévités importantes. Donc cette longévité, ben la voilà comparée ici entre des chimpanzés et puis des hommes qui sont des chasseurs-cueilleurs. Donc ce que vous avez, ces courbes représentent le taux de mortalité en pourcentage de la population. Alors, ça démarre très haut au début. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une mortalité infantile très forte chez les chimpanzés et chez les hommes. Je ne parle pas des hommes qui vivent dans le 5e arrondissement de Paris, mais des chasseurs-cueilleurs. Ici, ce sont des hachés d'Amérique du Sud. Donc, une mortalité infantile très forte. Puis ensuite, la mortalité descend très, très vite. Et puis, dès qu'on a affaire à des adolescents ou des jeunes adultes, donc il y a une mortalité qui est faible. Alors, chez les chimpanzés, elle va pas tarder à remonter, et elle remonte de façon graduelle jusqu'à un âge autour de 40 ans, qui est en gros l'âge maximum qu'on observe dans la nature pour des chimpanzés sauvages. Des chimpanzés qui sont placés dans des conditions de vie proches des hommes peuvent vivre beaucoup plus longtemps. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de du petit chimpanzé qui jouait Cheetah dans les films de Tarzan, mais elle est morte, il est mort, à plus de 70 ans. Alors, chez les hommes, on a une baisse de la mortalité dès qu'on arrive à l'adolescence. On a un plateau jusque vers 40-45 ans, et puis ensuite, la mortalité va remonter, puis s'accélérer énormément vers la fin. Donc, vous voyez que, enfin, le message principal de tout ça, c'est quand même que les hommes vivent plus longtemps que les chimpanzés, hein, et en gros, c'est ce qu'on attend. Alors, pendant cette longue vie, les hommes vont être caractérisés par un développement beaucoup plus long que celui des chimpanzés. Et ici, vous avez une comparaison des courbes de croissance entre ce chimpanzé et cette petite fille. Ce que vous voyez, c'est que en gros, chez le chimpanzé, la taille adulte, elle est acquise autour de 13 ans, par là, 12-13 ans à peu près. Et c'est l'âge, d'ailleurs, auquel les chimpanzés, normalement, commencent à se reproduire. Pour notre petite fille, alors surtout si c'est un petit garçon, là, c'est beaucoup plus long, c'est vers 18-20 ans que la croissance se termine. Vous avez une courbe qui est la courbe de croissance elle-même, et puis cette autre courbe, c'est une courbe qui est une courbe de vélocité, c'est-à-dire la vitesse de la croissance à un moment donné. Vous voyez quelque chose de tout à fait particulier et différent entre les chimpanzés et les hommes, c'est qu'il y a ici, chez les hommes, une période entre, disons, 12 et 16 ans, où la croissance va s'accélérer énormément. Et donc ça, c'est l'adolescence, c'est la puberté. Et chez les hommes, c'est un moment où la croissance va s'accélérer de façon très, très importante. Et on va avoir, disons, en quelques années, on va passer d'un format enfant à un format adulte, hein, de façon accélérée. Cette phase d'adolescence, avec cette accélération de la croissance, on pense que c'est un caractère qui est particulier aux hommes et qu'on retrouve de façon beaucoup moins marquée chez d'autres espèces d'hominoïdes, le chimpanzé par exemple. Alors concrètement, pour en revenir aux hommes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une croissance qui est une croissance séquentielle, hein, c'est-à-dire qu'on revient à ces problèmes de coût, hein. Il y a un coût à la croissance. Au cours de la vie, une grande partie de l'énergie extraite de l'environnement, elle est investie dans la croissance. Et en particulier, au début de la vie, c'est le cerveau qui est le plus gros consommateur d'énergie pour sa croissance. Une fois que le cerveau a atteint sa taille adulte, ce qui arrive autour de 5-6 ans, sa maturation va continuer, mais sa taille est à peu près atteinte, sa taille adulte, eh bien, il y a d'autres parties de l'organisme qui vont se développer de façon séquentielle. La dentition, c'est aussi quelque chose qui coûte beaucoup d'énergie à développer. Donc on développe une dentition déciduale, puis une dentition permanente. Et puis, En fait, chez les enfants, il y a une espèce de stase, si je peux dire, où ils grandissent de façon assez lente, entre, disons, 4-5 ans et puis, justement, l'adolescence, une dizaine d'années, 11 ans. Et puis, quand ils vont s'approcher de la puberté, là, leur croissance va s'accélérer énormément. Donc, on a une accélération de la croissance somatique. Et puis, ils vont rentrer presque tout de suite après dans la vie reproductive, ou en tout cas la possibilité de vie reproductive. Alors, on s'est beaucoup interrogé sur cette histoire d'accélération de la croissance au moment de l'adolescence. Alors, il y a deux explications. Une explication, c'est effectivement cette croissance séquentielle, c'est-à-dire cet investissement dans la croissance de parties différentes de l'organisme. Il y a probablement autre chose, surtout chez les garçons. Vous vous souvenez que c'est surtout chez les garçons qu'on voit ce pic d'accélération, et qui est lié au fait que, dans le fond, alors c'est vrai chez les hommes, on va dire primitifs, nos chasseurs-cueilleurs ou les ancêtres de nos chasseurs-cueilleurs, c'est vrai aussi dans d'autres espèces de primates, c'est qu'il y a une compétition entre les mâles qui est une compétition assez forte pour l'accès aux femelles. Et cette compétition, ça peut être une compétition violente. D'accord ? Et donc, dans le fond, pour un individu mâle surtout, qui s'approche de l'âge de la maturité sexuelle, eh bien, dans le fond, c'est un peu risqué de rester entre le format enfant et le format adulte trop longtemps. Et donc, quand on s'approche de la maturité sexuelle, là, pour des raisons quasiment de survie, il vaut mieux acquérir le format adulte le plus rapidement possible. Et donc, il y a une espèce de croissance retardée, de croissance somatique, avant la puberté. Dès qu'on rentre dans la puberté, il y a une croissance accélérée pour atteindre le format adulte le plus rapidement possible. En gros, enfin, pour dire les choses un peu brutalement, c'est pour pas se faire casser la figure parce qu'on tourne autour des filles. Hein, d'accord. Et donc, il faut... voilà. Alors, quand on compare l'histoire de vie de nos chimpanzés et de nos hommes, donc on voit effectivement qu'il y a une durée de la vie qui est plus grande chez les hommes, qu'il y a une entrée dans la vie reproductive qui est beaucoup plus précoce chez les chimpanzés que chez les hommes. Mais alors, il y a quelque chose qui est assez intéressant et curieux, c'est que, en fait, la ménopause est à peu près au même âge chez les chimpanzés et chez les hommes. Enfin, chez les femmes. Et ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que, dans le fond, la durée de la vie reproductive chez les femmes, chez les hommes femelles, eh bien, elle est relativement courte par rapport à ce qu'on trouve chez les autres primates. Et ça, c'est quelque chose qui est un espèce de paradoxe sur lequel on a beaucoup spéculé. Et vous allez voir qu'il y a des explications adaptatives à ça. Alors, d'abord, ce qui est intéressant, encore une fois, de remarquer, j'insiste sur ce point, c'est que ce raccourcissement relatif de la période féconde, c'est un raccourcissement, si je peux dire, par l'avant, c'est-à-dire par l'âge de l'entrée dans la reproduction. Ce n'est pas un raccourcissement par une entrée plus précoce dans la ménopause. Et un des avantages de cela, c'est que, dans le fond, on va avoir des femmes qui vont rentrer dans la reproduction alors qu'elles sont, qu'elles ont bénéficié d'un long développement, d'un soutien de leur environnement social et familial qui est très très prolongé, d'une éducation, hein, et qui sont, je dirais, plus susceptibles de donner vie à des enfants qui vont survivre que cette pauvre petite chimpanzée qui a 9-10 ans et qui va pour la première fois se reproduire. Hein. Et ce qui se passe chez les hommes, c'est que, enfin encore une fois chez les femmes plutôt, c'est que quand on compare donc la fécondité, c'est-à-dire le nombre, en gros le nombre de petits par année, hein, et qu'on compare ce qui se passe chez nos femelles chimpanzés et nos femmes, eh bien c'est que bien que on ait une période de reproduction à l'échelle de la vie qui soit plus courte chez les femmes, finalement, la fécondité, elle est plus élevée. Et donc, on a une courbe qui s'étale sur une durée moins longue, avec un début qui est un début beaucoup plus tardif que chez les chimpanzés. Mais ensuite, si je peux dire, on se rattrape parce qu'on a une fécondité beaucoup plus élevée que les chimpanzés. C'est-à-dire que par année, en moyenne, ces femmes qui vivent dans des populations naturelles, on va dire, eh bien, elles vont avoir plus de petits au cours de leur vie que nos femelles chimpanzés. Alors, comment est-ce que c'est possible? Eh bien, et alors, vous remarquerez autre chose, c'est que, vous voyez que chez les femmes, il y a vraiment un pic de la fécondité au début de l'âge adulte. Hein. Et donc, ensuite, avec une décroissance. Alors que chez les chimpanzés, on a quelque chose qui est plus une espèce de plateau entre l'entrée dans l'âge adulte et puis la ménopause. On pense que, dans le fond, les hommes ont été soumis à des pressions de sélection qui ont favorisé la reproduction concentrée sur quelques années au début de l'âge adulte. Et pourquoi on a cette concentration de la reproduction chez les femmes au début de l'âge adulte? Eh bien, parce que c'est là qu'elles ont le plus de chances de donner, d'une part, naissance à des enfants qui sont viables, qui présentent peu de risques, et pour elles-mêmes, c'est aussi la période de la vie qui est la période où elles courent le moins de risques avec l'enfantement, alors que, vous voyez que à la fin, et ça a été observé chez les chimpanzés en particulier, à la fin de la période reproductive, ça se complique. Alors comment est-ce que c'est possible d'avoir plus de fécondité en ayant une période reproductrice plus courte? Eh bien, les hommes ont, par rapport aux chimpanzés, une grande différence qui est l'âge du sevrage. Et l'âge du sevrage chez les grands singes est beaucoup plus tardif que chez les hommes. On a chez les chimpanzés des âges... Alors ça sont des diagrammes qui ont été établis à partir de courbes isotopiques, hein, où on mesure en gros quel genre d'aliments les petits chimpanzés absorbent, combien ils absorbent en particulier de lait maternel par rapport au reste. Et vous voyez que ces courbes... Alors le sevrage, c'est pas quelque chose d'abrupt, c'est une transition, hein, c'est une transition qui dure assez longtemps. Mais enfin, elle dure assez longtemps, mais disons que chez les chimpanzés, le sevrage complet, c'est rarement terminé avant 4 ans, voire un petit peu plus. Et ce chiffre peut être beaucoup plus élevé chez d'autres grands singes. Par exemple, chez les orangs-outans, on a des sevrages qui interviennent à 6 ans, voire plus tard. Et la grande différence avec les hommes, c'est que les hommes, eux, ont en moyenne, dans des sociétés traditionnelles pré-industrielles, un sevrage qui commence autour de de 6 mois, quelque chose comme ça, mais qui va se terminer beaucoup plus tôt, et avec souvent un sevrage qui est fini autour de 2 ans et demi, c'est terminé. Et donc, à ce moment-là, ces femmes qui ont sevré leurs enfants, leur bébé, eh bien, peuvent se reproduire à nouveau et avoir un autre enfant. Et ça, les chimpanzés, eh bien, peuvent pas le faire. Et donc, l'intervalle entre les naissances est beaucoup plus court chez les hommes, dans ces populations pré-industrielles, qu'il n'est chez les autres grands singes. Alors, ça a des implications de toutes sortes, dont on aura l'occasion de reparler, mais une des implications, c'est que les enfants humains grandissent dans des fratries assez, peuvent grandir dans des fratries assez importantes. Alors que notre femelle chimpanzé, elle a seulement un petit à la fois, et ce petit, elle va s'en occuper jusqu'à ce qu'il soit complètement indépendant, capable de se nourrir par lui-même, et personne d'autre ne va s'en occuper. D'accord ? Alors que les femmes ont des enfants d'âge différent qui cohabitent dans la même fratrie, et surtout, elles sont capables, si je peux dire, de convaincre les autres adultes de participer à l'entretien et à la nourriture de ces enfants. Et ça, c'est, si je peux dire, le coup de génie adaptatif des hommes que les autres grands singes n'ont pas réalisé, c'est-à-dire que nous sommes ce que l'on appelle des reproducteurs coopératifs, C'est-à-dire que, à l'échelle d'une vie, quand on regarde les transferts d'énergie entre les différents membres d'une famille, eh bien, on voit que, dans le fond, cet enfant qui est en cours de croissance, il va être nourri par sa mère, mais assez vite, elle va partager ce fardeau avec la grand-mère, le grand-père, le père, et d'ailleurs, n'importe qui est capable de fournir de l'énergie pour aider à la croissance, en particulier à la croissance du cerveau, qui est très coûteuse, de cet enfant. Il y a des études très intéressantes qui ont été faites qui montrent, toujours pareil chez nos chasseurs-cueilleurs, que par exemple, l'intervalle des naissances à l'intérieur d'une population varie en fonction de l'apport énergétique par les pères. C'est-à-dire que plus les pères sont capables d'apporter de l'énergie supplémentaire à ce que la mère donne à son enfant, en particulier à travers l'allaitement, et puis ensuite au cours du sevrage, plus cela va permettre de raccourcir l'intervalle entre les naissances dans cette population, et donc une fécondité plus élevée. Et donc vous voyez que ces transferts d'énergie entre adultes et ce comportement de reproducteur coopératif, c'est quelque chose de très important pour les hommes. Alors parlons maintenant de cette relation entre la fécondité et la taille. Alors, je vous ai des diagrammes comme ça, il y en a énormément dans toutes les études sur l'histoire, les traits de vie et les théories d'histoire de vie. On a une relation, vous vous souvenez qu'on a une relation entre la longévité et la taille des individus. Eh bien, on a aussi une relation entre la taille des individus et leur fertilité. Alors là, c'est une relation inverse. Vous vous souvenez de mes éléphants ? Plus on a affaire à des êtres qui sont des êtres de grande taille, plus il est coûteux de produire des petits, qui ne sont pas si petits que ça, et donc plus la fécondité va baisser. C'est quelque chose qu'on observe au sein des mammifères en général et au sein des primates en général. Vous voyez ici toujours des échelles logarithmiques. À gauche, des petits singes. Ici, des hommes, vous voyez que le taux de fécondité de ces hommes est quasiment 100 fois plus bas que celui de nos petits singes, enfin pas tout à fait 100 fois, mais est considérablement réduit par rapport à celui de nos grands singes, de nos petits singes. Alors ce qui est absolument remarquable dans ces stratégies d'histoire de vie, c'est que non seulement on voit des adaptations différentes, des stratégies différentes d'une espèce à l'autre, mais on voit même, au sein d'une espèce, des stratégies différentes d'une population à l'autre en fonction de leur environnement. Et je vous ai choisi ici un exemple, qui est une étude qui a été menée il y a quelques années, sur la relation entre la taille des enfants dans une population à l'âge de 5 ans, c'est une mesure de la taille des enfants, hein, bon, on aurait pu prendre la taille à la naissance ou autre chose, c'est un peu pareil. Et puis la fécondité. Et vous voyez que tous ces points qui représentent des populations différentes de chasseurs-cueilleurs, eh bien, s'organisent suivant une distribution où on voit nettement ce qui joue à l'échelle transpécifique au sein des mammifères ou transpécifique à l'échelle des primates entre des populations humaines. Et donc on a ici des pygmées qui vivent dans la forêt équatoriale, qui sont des populations qui ont des enfants qui sont de toute petite taille, mais qui ont un taux de fécondité beaucoup plus élevé que ces Yanomano qui vivent dans la forêt équatoriale sud-américaine, qui ont des enfants beaucoup plus grands, mais qui ont beaucoup moins d'enfants. Et donc, c'est pas juste du hasard, c'est lié à des adaptations de ces populations à des conditions de milieu différentes, et en particulier, souvenez de mon histoire de voitures de luxe et de grandes maisons, de la capacité d'extraire de l'énergie de différents environnements qui varient en fonction des milieux, des paysages. Alors il y a un autre moyen, un autre aspect qui est intéressant de regarder en termes de fertilité, c'est un petit peu différent de la taille, c'est le métabolisme basal dont je vous ai parlé au début. Alors évidemment, ce métabolisme, il est en grande partie lié à la taille, on l'a déjà vu. Et vous voyez que, dans ce diagramme, les hommes sont là, les femmes sont là, comparées à des grands singes. Alors ces mesures sont pondérées en fonction de la taille. Évidemment, un gorille, ça dépense beaucoup d'énergie, mais si on divise l'énergie d'un gorille par le nombre de kilos de gorille, et qu'on ramène tout ça à une taille moyenne de mâle de 55 kilos et de femelle de 45 kilos, vous voyez que les hommes ont des traits très particuliers. C'est-à-dire qu'au sein des primates de grande taille, ce sont eux qui consomment le plus d'énergie. Alors, par leur métabolisme basal, mais aussi à cause de leur activité quotidienne, de leur activité physique. C'est-à-dire que non seulement on consomme beaucoup d'énergie, mais on stocke beaucoup aussi sous forme de graisse. Cette énergie, bon, vous allez voir que la fécondité varie avec ce métabolisme basal. Alors, ces chiffres qui peuvent vous paraître un petit peu théoriques, on peut les ramener à quelque chose qui va peut-être être plus parlant pour vous. Un homme, c'est une ampoule de 100 watts, à peu près. C'est-à-dire, la consommation pour le métabolisme basal et puis une activité, j'allais dire, normale du corps, ça correspond à la consommation énergétique de 100 watts. Si vous faites rien de particulier, si vous montez un escalier, 200 watts. D'accord ? Donc, on peut voir les populations humaines comme des populations d'ampoules de 100 watts. Et on peut regarder quelle est la fécondité de différentes espèces animales en fonction de cette fameuse consommation d'énergie. Et on voit une chose qu'on a déjà vue avec la taille, qu'on a déjà vue avec d'autres facteurs, c'est-à-dire que la fécondité diminue avec la consommation d'énergie. Plus on a affaire à des organismes qui consomment de l'énergie, moins ils vont avoir de petits. Toujours pareil, échelle logarithmique. Donc on a les mammifères ici en bleu. Vous voyez que les primates sont encore moins féconds que les autres mammifères, hein, à consommation d'énergie égale. Pourquoi ? Parce que ce sont des mammifères à grand cerveau. On va revenir là-dessus. Et le cerveau, ça coûte cher. Nos chasseurs-cueilleurs, ils sont au bout de la distribution des primates. Ils sont parmi les primates qui sont, disons, une fécondité assez faible, mais vous voyez qu'ils sont quand même au-dessus de nos chimpanzés, de nos gorilles, de nos orangs-outans, à cause de notre histoire d'intervalle des naissances qui nous permet, si je peux dire, de rattraper notre handicap de ce côté-là. Alors, ce qui est intéressant dans cette étude de Moses et Brown, c'est qu'ils ont eu l'idée de prendre en compte non seulement le métabolisme basal ou l'énergie dépensée pour l'activité physique, mais aussi l'énergie dépensée, extraite de l'environnement et dépensée pour autre chose. Par exemple, faire cuire de la nourriture. Par exemple, avoir une mobylette ou une voiture ou prendre l'avion. D'accord ? Et on peut mesurer tout ça et ajouter ça au métabolisme basal et à l'activité physique. Alors là, inutile de dire que on est très très loin des 100 watts. Hein. C'est-à-dire que on a des populations humaines où la consommation par tête, par individu, dépasse les 10 000 watts. D'accord. Au Canada, aux États-Unis, on est plutôt autour de 12 000, 13 000, 14 000 watts de consommation par tête. Et ce qui est absolument passionnant, c'est que, dans le fond, quand on regarde la fécondité dans ces sociétés qui consomment autant d'énergie par individu, eh bien, on a des sociétés qui se rangent sur la même droite de régression que celle que l'on a déjà établie pour les primates. Et concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que notre américaine des classes moyennes qui consomment 12 000 watts, eh bien, elle a le taux de fécondité d'un primate qui ferait à peu près 30 tonnes. C'est ce que prévoit la courbe et c'est ce qu'on observe dans la réalité, c'est-à-dire un taux de fécondité d'un peu moins de 2 enfants par femme, c'est-à-dire à peu près un petit en moyenne tous les 15 ans. Alors, elles les ont sur une période plus rapprochée, mais à l'échelle de la vie, ça donne ça. Et c'est exactement ce que donne la prédiction de cette étude. Alors, Bon, inutile de vous dire que ça, ça a un certain nombre de, d'implications. Alors, il y a une autre façon de voir les choses. Je vous disais que la reproduction, ça coûtait de l'argent. Il y a des gens qui ont étudié ça d'un autre point de vue, qui est le coût d'un enfant. Combien coûte un enfant, hein ? Alors, on a parlé jusqu'à présent de coûts métaboliques, mais on peut aussi compter en dollars. Et donc, les derniers chiffres, enfin, ceux que j'ai trouvés pour 2015, c'est que l'enfant de cette Américaine des classes moyennes, pour qu'il grandisse entre la naissance et 18 ans, ça coûte 233 610 dollars en moyenne. Et compte tenu des revenus des classes moyennes, il faut, on peut difficilement avoir plus de 2 ou 3 enfants par famille, puisque après, c'est un fardeau financier qui n'est pas possible à porter. Le Collège de France et France Culture vous présente le paléoanthropologue Jean-Jacques Hublin, aujourd'hui, histoire de vie et reproduction. Alors, parlons maintenant dans ces traits de vie de la mortalité. Vous vous souvenez que c'était un aspect qui était important. Alors, la mortalité n'est pas inéluctable. C'est la bonne nouvelle. Cette ligne verte ici, c'est l'hydre d'eau douce. Donc, l'hydre d'eau douce a une mortalité qui est constante. C'est-à-dire, à partir du moment où il naît, le taux de mortalité ne change jamais. On pense que l'hydre d'eau douce vit peut-être éternellement. Apparemment, il a des réserves de cellules souches qui sont infinies. Et donc, il n'y a pas de changement du taux de mortalité. Nos tortues, vous vous souvenez qu'elles avaient une très forte mortalité à la naissance. Et puis après, ça se calme. Après, quand elles arrivent à un certain âge, si rien ne leur arrive de malheureux, elles peuvent vivre très très longtemps. Alors, les hommes, eux, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, eux, ils ont une mortalité très faible au début, mais les choses vont se gâter à partir d'un certain âge. Et donc, vous voyez que la mortalité, après 70 ans, 80 ans, quand même, augmente énormément. Alors, ces données sont des données qui sont importantes pour ces stratégies d'histoire de vie. Ce qui est important à propos de la mortalité, c'est quand même de... Quand on parle des hommes, c'est de se rendre compte que cette très longue vie, cette espérance de vie, c'est quelque chose qui est relativement récent dans l'évolution humaine. Enfin, disons que le fait d'avoir des centenaires, une grande quantité de gens âgés dans la société, c'est un phénomène historique. En fait, vous avez ici la courbe qui montre l'évolution de l'espérance de vie entre 1840 et aujourd'hui. Vous voyez que 1840, on était à 45 ans d'espérance de vie en Europe. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que les estimations qu'on a pour les chasseurs-cueilleurs qui vivent dans la nature, ce dont on a beaucoup parlé déjà, eh bien, c'est une espérance de vie qui n'est pas très différente de l'espérance de vie qu'on a en Europe au XVIIIe siècle, au XVIIe siècle. Donc, il ne s'est pas passé grand-chose de ce point de vue-là en termes d'espérance de vie pour les hommes. Et ce qu'on a donc qui s'est passé au cours du 19e siècle essentiellement, c'est d'abord une réduction très très forte de la mortalité infantile. On l'a quasiment éliminée. Donc c'est ce qui a fait augmenter l'espérance de vie à la naissance. Et puis plus récemment, c'est la réduction de la mortalité des gens âgés. Donc alors Il y a un débat entre les démographes. Hein, il y a des gens qui pensent qu'il n'y a aucune raison que cette courbe ne s'arrête. D'ailleurs, vous voyez ici des prédictions des Nations Unies qui ont été faites en 1980, en 1990, en 2000. Donc tous les 10 ans, on est obligé de faire des prédictions sur 10 ans d'espérance de vie supplémentaire, en gros. Et puis il y a des gens qui pensent que non, il y a un jour, on va atteindre un plateau et que cette espérance de vie ne va pas augmenter. Alors, cette grande espérance de vie des hommes, elle pose un certain nombre de problèmes du point de vue de l'évolution, du point de vue de l'adaptation. Qu'est-ce que ça veut dire de vivre très très longtemps ? Alors, on a vu que la longévité, ça fonctionnait avec tout un tas d'autres aspects, d'autres traits de vie, la masse corporelle, la fécondité, la taille du cerveau, des tas de choses comme ça. Mais quand même, il y a un paradoxe. Et le paradoxe, c'est chez l'homme, et en particulier chez la femme, il y a une très longue survie après la période reproductive. Et du point de vue darwinien, c'est un petit peu compliqué à expliquer. Pourquoi ? Parce que les gènes qui sont. Enfin, le génome qui est soumis à la sélection, il est soumis à la sélection pendant la période où on se reproduit. Hein ? C'est ce qui va faire qu'on va avoir un succès reproductif plus ou moins grand. Mais une fois qu'on ne se reproduit plus, c'est assez difficile d'expliquer comment on a pu sélectionner une partie du génome qui, dans le fond, rallonge la vie après la période sélective. Et ça, c'est un sujet qui fait débat depuis à peu près une vingtaine d'années. Donc, vous voyez, chez nos chimpanzés, on a une survie qui décline régulièrement, avec en fait une mortalité, enfin disons une espérance de vie qui correspond en gros à l'âge de la ménopause. C'est-à-dire que dans la nature, il y a très peu de femelles chimpanzés qui sont dans une période post-reproductive et qui sont toujours là. Hein. Alors chez les hommes, pas du tout. Alors ici, ce sont des chasseurs-cueilleurs. Juste par curiosité, je vous montre les Japonais, parce que là, c'est vraiment extravagant. Enfin, les Japonaises, hein. Donc, vous voyez, les Japonaises, paf, elles se reproduisent quand elles sont de jeunes adultes, qu'elles ont 25-30 ans, donc elles ont leurs enfants. Et puis, après, elles vont vivre, voilà, là, c'est 102, hein, ce qu'on lit là en bas. Hein. Donc, elles vont vivre très, très, très longtemps, avec une courbe de survie qui est extraordinaire, et une mortalité, bon, ma foi, qui doit augmenter à un moment quand même, vers la fin. Mais vous voyez qu'il y a quand même une grande partie de la vie qui s'allonge, pendant laquelle ces Japonaises ne se reproduisent pas, et ça, on a du mal à expliquer ça. Alors, il y a des tas de gens qui se sont intéressés à cette question-là. Une des hypothèses qui a eu un énorme succès au cours des 20 dernières années, c'est ce qu'on a appelé l'hypothèse de la grand-mère. Grandmother hypothesis. Alors, c'est quoi cette histoire de grand-mère ? Eh bien, c'est l'idée que, en fait, les grand-mères, évidemment, elles ne se reproduisent pas, mais elles accroissent le succès reproductif de leurs filles, parce qu'elles s'occupent des enfants de leurs filles. D'accord ? Et c'est une chercheuse américaine qui s'appelle Kristen Hawkes, qui est dans l'Utah, qui a étudié beaucoup les Hadza, qui sont un groupe qui vit en Afrique de l'Est et qui sont des chasseurs-cueilleurs. Et chez ces Hadza, les hommes chassent, mais les femmes travaillent drôlement. Et elles travaillent à extraire des tubercules du sol pour nourrir la famille. Et les grand-mères creusent, d'accord ? Et en creusant, en ramassant des tubercules, dans le fond, elles aident à la survie, au succès reproductif de leurs petits-enfants. Alors, enfin, je dois dire, d'une façon générale, cette histoire de survie à la ménopause, c'est quelque chose qui est très particulier aux hommes. En fait, dans la nature, il y a assez peu d'espèces où on trouve ça. Alors, je vous ai trouvé quand même un exemple, qui est un exemple très connu, qui est celui des baleines à dents, des orques, des baleines tueuses. Donc, chez les baleines tueuses, on a une vie en société, une vie en groupe. D'ailleurs, soit en passant, sont eux aussi des mammifères avec un grand cerveau et une stratégie K de traits de vie. Et ce qu'on a observé, c'est que c'est essentiellement des femelles ménopausées qui sont les chefs, en gros, de ces groupes, et qui les dirigent et qui les guident dans leur pérégrination dans l'océan. Les grands-mères Hadza sont pas les chefs, hein, mais elles survivent très très longtemps. Alors cette hypothèse des grands-mères est constamment discutée par tout un tas de publications. Il y a même dans mon laboratoire des gens qui ont écrit des papiers là-dessus. Je crois même que j'en ai écrit un. Et en fait, le problème qu'on a, c'est le suivant, c'est que toutes ces études sur les grands-mères sont des études qui sont fondées sur des corrélations. Et en science, des corrélations, ce ne sont pas des explications. C'est-à-dire qu'on montre qu'il y a une corrélation entre la survie des jeunes enfants et puis le fait qu'ils aient des grands-mères, pas des grands-mères. Mais dans le fond, on a du mal à trouver le mécanisme. Alors ce mécanisme un peu naïf que je vous décrivais, hein, c'est-à-dire de l'histoire des tubercules, de prendre soin des enfants, etc., on aimerait pouvoir le quantifier. Et en fait, on n'y arrive pas. Il y a des gens qui font en biologie de la modélisation, c'est-à-dire qu'ils construisent des modèles mathématiques. Et ces modèles mathématiques nous permettent de se rendre compte de ce qui est possible, ou surtout de ce qui n'est pas possible, en fonction de différents paramètres. Le problème avec l'hypothèse des grands-mères, c'est que quand on construit un modèle mathématique, on se rend compte que oui, c'est avantageux d'avoir une grand-mère qui nourrit les petits-enfants. Mais ça serait encore plus avantageux si la grand-mère pouvait se reproduire. Et donc, dans le fond, ça n'explique pas pourquoi elle est ménopausée. Hein. Et on soupçonne... Non, mais c'est une affaire très sérieuse. On soupçonne que, en fait, c'est un... Et ça arrive souvent dans les mécanismes de l'évolution. Vous savez, souvent dans les mécanismes de sélection naturelle... Eh bien, il y a des produits secondaires, hein, by-product en anglais. C'est-à-dire que ce qu'on soupçonne, c'est que peut-être que cette histoire de femmes qui survivent très très longtemps à la ménopause, c'est le produit secondaire de la sélection d'autres choses. Alors, les scientifiques ont beaucoup d'imagination. Et ils ont trouvé des tas d'explications possibles, de mécanismes qui pourraient expliquer ça. Alors, il y en a qui sont assez amusants. Par exemple, il y en a un suivant lequel c'est en fait la survie des hommes qui est sous une pression de sélection positive et que la survie des femmes après la ménopause, c'est un produit secondaire parce qu'on ne peut pas sélectionner des gènes qui fonctionneraient juste chez les hommes et pas chez les femmes. Alors, le problème, c'est que les femmes ont tendance à vivre quand même plus longtemps que les hommes. Mais enfin, bref. Donc, il y a cette explication-là. Il y a même une explication que je trouve assez chouette, hein, qui est l'idée que, en fait, les hommes qui ont le plus grand succès reproductif, ce sont ceux qui se reproduisent le plus longtemps possible, qui préfèrent d'ailleurs les jeunes femmes aux femmes âgées. Et que c'est eux qui sont qui dans le fond conduisent le mécanisme de sélection naturelle et que du coup on a sélectionné des gènes qui favorisent la longévité dans l'espèce en général et donc secondairement chez les femmes même après la ménopause. Alors, en ce qui concerne l'homme et plus d'une façon plus générale les primates hominoïdes, les grands singes, nous avons affaire à des formes qui sont à grand cerveau. Qui ont besoin d'extraire beaucoup d'énergie de leur environnement, qui ont une croissance remarquablement lente, et c'est particulièrement le cas pour l'homme, et qui normalement ont un taux de... Enfin, une reproduction qui est relativement lente aussi, c'est-à-dire que la fécondité, le nombre de petits par femelle est assez réduit à l'échelle de la vie d'un individu. Cela étant dit... Les hommes sont un petit peu particuliers au sein de ces primates hominoïdes parce que, dans le fond, ils se débrouillent d'une certaine façon pour avoir plus de petits que les autres, bien qu'ils devraient en avoir moins, puisqu'ils ont justement un plus grand cerveau, etc. Tout ça coûtant très cher. Donc, l'homme au sein des mammifères est un mammifère à grand cerveau, là, le cerveau humain est là, comparé en taille absolue à différents autres mammifères. Alors évidemment, vous pouvez être impressionné par celui-là, mais c'est une girafe. Donc une girafe, c'est quand même beaucoup plus grand qu'un homme. Et dans toutes ces questions sur la taille du cerveau, il faut évidemment tenir compte de la masse corporelle. En pratique, au sein des mammifères, les mammifères qui, d'une certaine façon, se rapprochent un peu des hommes, si je peux dire, en termes de coefficient d'encéphalisation, et puis aussi en termes de nombre de neurones, de densité des neurones, etc., c'est plutôt, en fait, des mammifères marins, comme les dauphins et les baleines tueuses, des animaux comme ça. J'allais dire qu'ils auraient pu très bien réussir aussi, mais malheureusement, pour eux, ils n'avaient pas de main. Ils nageaient, ils sont obligés de nager. Et bien que les dauphins puissent utiliser des outils, en fait, on connaît des dauphins qui chassent grâce à des éponges avec différents petits stratagèmes, mais enfin, ils n'ont pas développé une technologie très impressionnante. Au sein des primates cathariniens, hein, donc c'est-à-dire les singes de l'Ancien Monde, on sait qu'il y a une relation directe entre la masse corporelle et la taille du cerveau. Et sur cette échelle, je vous rappelle, encore une fois, c'est une échelle logarithmique, hein, donc rien n'est proportionnel dans ce graphique. Ici, on a affaire à des très petits animaux, ici, à des beaucoup plus grands. Vous voyez qu'il y a une relation mathématique assez claire entre la taille de la masse corporelle et la taille du cerveau chez toutes ces formes, y compris le chimpanzé, qui s'inscrit dans cette tendance générale des primates cathariniens. Mais si on ajoute un homme, vous voyez que lui, il sort complètement de la distribution, avec un cerveau qui est plus de 5 fois la taille qu'il devrait avoir chez un mammifère moyen de la masse corporelle de notre administrateur. Donc, vous voyez que pour ce caractère-là, bien que les hommes s'inscrivent dans une tendance générale des hominoïdes, ils sortent quand même très clairement de la distribution. Alors c'est une histoire, cette augmentation de la taille du cerveau, c'est une histoire assez ancienne. On a, jusque vers 2,5 millions d'années, des fossiles qu'on attribue au genre australopithèque ou des formes apparentées comme paranthropes, dont la taille du cerveau, en valeur absolue, est un petit peu supérieure à ce qu'elle est chez des grands singes. Alors, cela étant dit, chez les grands singes, il y a beaucoup de variabilité. Ce qui est important surtout à considérer dans ce graphique, c'est que il y a, vous voyez, une augmentation très très nette de la taille du cerveau à partir de l'apparition du genre Homo. Donc on va avoir chez les premières formes du genre Homo des valeurs qui sont très supérieures à ceux des australopithèques et des paranthropes. Et puis le phénomène va s'accentuer avec Homo erectus et puis avec des représentants plus tardifs du genre Homo. Il y a une relation, encore une fois, j'insiste là-dessus, il y a une relation entre la masse corporelle et la taille du cerveau. Et en particulier, il y a toute une discussion à propos des Homo erectus pour savoir si c'est parce qu'ils ont une taille plus grande qu'ils ont un cerveau plus grand ou si c'est le contraire. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que, en fait, le rapport, enfin plutôt la relation, parce que c'est pas un rapport simple, mais la relation entre la taille, la masse corporelle et la taille du cerveau ne change pas dramatiquement, en fait, chez ces premiers représentants du genre Homo, y compris chez les Homo erectus. Et en fait, c'est essentiellement au cours du dernier demi-million d'années qu'on voit, si je peux dire, le coefficient d'encéphalisation décoller, c'est-à-dire ce fameux rapport entre la taille attendue du cerveau chez un mammifère moyen, de cette taille, de cette masse corporelle, et puis la valeur observée. et en particulier chez les ancêtres des Néandertaliens, chez les ancêtres des hommes modernes, et puis chez aussi d'autres formes asiatiques qu'on appelle les Denisoviens, mais qui sont assez mal documentées pour l'instant, on a cette augmentation très très forte du cerveau. Et donc, si je peux dire, on s'attend en fait à ce que un certain nombre d'adaptations un peu particulières se mettent en place, peut-être pas avec les premiers représentants du genre homo ou même les homo erectus, mais plutôt en fait avec ceux-là, hein, parce que c'est pour eux que ça devient vraiment critique. Alors pourquoi critique ? Ben parce que d'être grand, d'avoir un grand cerveau, tout ça c'est bel et bon, de vivre très longtemps, mais ça a un prix, et en particulier ça a un prix énergétique. Le cerveau est un organe qui consomme beaucoup d'énergie pour des tas de raisons, pour son fonctionnement, pour son développement, sa croissance, c'est une croissance qui est très coûteuse, et puis même tout simplement pour sa maintenance, sa réparation, son entretien, si je peux dire, avec le fait, par exemple, que le cerveau est un organe qui est très très sensible à la température, donc la thermorégulation du cerveau, ça sera le sujet d'un autre cours, mais la thermorégulation du cerveau, c'est quelque chose qui est extrêmement contraignant. Si votre main, vous la mettez dans de l'eau très froide ou dans de l'eau très chaude, et que la température de votre main change de 3, 4, 5 degrés, ça peut être désagréable, mais enfin, vous n'en mourrez pas. Si votre cerveau, sa température augmente de 4 ou 5 degrés, c'est fini. Vous serez mort bien avant que cette augmentation de température se produise. Donc ce cerveau, il est constamment irrigué par un flot sanguin qui passe à travers le cou avec tout un apport d'énergie et, encore une fois, un système de refroidissement et de réchauffement très efficace. Et il consomme beaucoup d'énergie. Alors, bon, il y a différents chiffres qui ont été proposés, mais disons d'une façon très simple, on peut dire que le cerveau qui représente à peu près 2% de la taille, de la masse corporelle d'un homme moderne moyen, au repos, sans qu'il se passe rien de très spécial dans le cerveau de cet homme-là, eh bien, son cerveau consomme 20% du métabolisme basal, c'est-à-dire 20% de ce que vous avez consommé au déjeuner ce midi, vous êtes en train de le consommer maintenant pour votre cerveau. J'espère même un petit peu plus si vous écoutez vraiment ce que je dis. Alors cette consommation d'énergie forte du cerveau chez les adultes, elle est encore plus élevée chez les enfants pendant le développement. Pourquoi ? Ben d'abord parce que les enfants, ils ont un cerveau qui est gros par rapport à leur masse corporelle. Je ne veux pas revenir là-dessus, mais vous vous souvenez que les enfants humains, ils ont un développement qui est séquentiel. Hein, c'est-à-dire que, en gros, on investit beaucoup dans le cerveau au début, après on va investir dans les dents, et puis après on va investir dans le développement somatique, donc le corps va grandir, en particulier au moment de l'adolescence, puis après on investira dans la reproduction. Donc au début, c'est une affaire de cerveau. Et quand on regarde la consommation de glucose du cerveau chez un enfant en fonction de son âge, les valeurs observées sont très très au-dessus des valeurs observées chez l'adulte. Hein. Au lieu d'être autour de 20%, on est carrément au-dessus de 40% du métabolisme basal chez un enfant, avec un pic. À la naissance, c'est très élevé, vous voyez, on est autour de 50. Ça baisse ensuite un peu au début de la vie, mais ensuite ça remonte, disons, autour de 5 ans, à une valeur qui approche les 70% du métabolisme basal qui part dans le cerveau. Donc c'est quelque chose qui enfin, tout à fait remarquable. Pourquoi cet âge de 5 ans ? Bah, ça correspond, 5 ans, 5-6 ans, à l'âge auquel le cerveau atteint sa taille adulte. Alors, ça ne veut pas dire qu'il est terminé, hein, le cerveau, mais il a atteint sa taille adulte, alors que la taille d'un enfant de 5 ans est encore très très loin de la taille d'un adulte. Donc c'est à ce moment-là que le rapport, si je peux dire, consommation du cerveau par rapport au reste